and vous avez choisi TSF Jazz. TSF Jazz, plongé dans le jazz. Thank you. Jazz. La seule radio 100% jazz. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. Out on the briny with a moon so big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. Out on the briny with the moon so big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. We're gonna end this little song. I don't wanna wait a bit too long to get you all by myself alone. La voix de Jackie Paris à l'instant sur TSF Jazz, chanteur dont la carrière a commencé à la fin des années 40. C'est l'un des rares chanteurs d'ailleurs à avoir accompagné Charlie Parker ou encore Charles Mingus, qui était fan de sa voix, de son chant, Jackie Paris, qu'on vient d'entendre avec On a Slow Boat to China. Voici le saxophoniste Stan Getz pour poursuivre avec Nobody Else But Me. Mm-hmm.